Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien la meilleure des chances pour les Jeux de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien, situés au 905 Boulevard Amel, numéro de téléphone 418-679-4194. Déception à Pyeongchang aujourd'hui. On en parle avec Caroline Touchon. Salut Caroline. Bonjour. Caroline, évidemment, c'est décevant ce qui s'est passé. Disqualification de l'équipe olympique canadienne chez les filles en patinage de vitesse sur courte piste. Est-ce que tu m'avais dit que ce serait difficile, mais on pensait pas que ça allait être ça, là? Ah, c'est une grosse déception. C'est la première fois que les filles ne sont pas sur le podium depuis 1992, depuis que le courte-piste est au jeu. Donc, c'est ça qui fait une grosse, grosse déception. Les filles faisaient une super de belle course. Ils rivalisaient avec les Chinoises puis les Coréennes. Il restait, je pense, 4 ou 5 tours quand la chute est arrivée. C'est une chute accidentelle. Je pensais que Valérie allait l'éviter. Puis finalement, elle n'a pas été capable, mais je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de monde qui aurait été capable d'éviter la Coréenne. Là, qui elle a été blessée, hein, je pense, là-dessus. Hein? Oui, ben j'ai pas trop vu, mais peut-être qu'en tombant, elle avait l'air d'avoir mal à, comme à une côte, ou je sais pas trop où c'est le contact, parce que l'Italienne est revenue lui tomber dessus. Après ça, on l'a moins vu, là, mais... c'est peut-être ça qui lui a fait mal. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit avant de rentrer en onde, je pense que c'est Kim Boutin qui était un petit peu... qui était dans le trafic, puis c'est peut-être ça qui a causé la disqualification de l'équipe canadienne. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai demandé à l'annonceur qui est là en ce moment, Danny Lemay, j'ai demandé pourquoi les filles avaient été disqualifiées, parce que au début, je pensais que c'était pour tracer. Okay. Finalement, il m'a dit que les filles avaient été disqualifiées pour interférence. Donc, la seule chose que j'ai vue, en tout cas, c'était quand les Coréennes et les Chinoises arrivaient pour terminer la course, les Canadiennes étaient un tour en arrière. Okay. Et puis, Kim se préparait à prendre son échange un demi-tour plus loin et puis était un peu dans les jambes des Chinoises et des Coréennes quand eux sont arrivés pour faire pour terminer la course. Donc, je pense que c'est peut-être là qu'ils ont été pénalisés. OK. Si on parlait maintenant de... Écoute, c'est de valeur, parce que l'équipe canadienne, il faisait une belle course que maintenant. Là. Il faisait vraiment une belle course. Là. C'était une des rares fois qu'il était encore avec les Coréennes et les Chinoises avec 4 ou 5 tours à faire. Donc, il n'avait pas peur de faire des dépassements. Là. Fait que c'était une médaille. Là. Je suis vraiment déçue pour eux autres. Charles Hamelin, c'est terminé pour lui sa carrière olympique. Je sais pas, je te l'ai posé à toi, c'était avec François. Est-ce que c'est un olympique de trop dans le cas de Charles? Je pense que j'en ai parlé. Hein. Non, on n'en a pas parlé, mais je pense pas que c'est un olympique de trop. Charles était quand même qualifié sur les 3 distances, comme Samuel. En Coupe du Monde, il a montré qu'il avait encore sa place. Je pense que c'est juste une question de course et en course de piste. C'est tellement imprévisible d'une compétition à l'autre, d'une course à l'autre. Charles a eu un départ moyen, donc il s'est un peu mis dans le trouble. Je pense qu'il a peut-être un petit peu paniqué. Il aurait peut-être dû attendre un demi-tour de plus pour essayer de dépasser. Je me rappelle plus si c'était... Je pense que c'était le Kazakh. Donc, je pense pas que c'est... Faut pas qu'ils le voient comme si c'était des mauvais jeux. Je pense pas non plus que ce soit des jeux de trop. OK. Marianne, il se passe c'est sa dernière chance pour une médaille aux Olympiques jeudi. Hier, on s'est parlé, tu m'avais dit si elle gagne une médaille, ça va y enlever de la pression. À quoi tu t'attends pour jeudi? Ben, je pense que ça augure bien parce que les trois filles ont fait des super bonnes qualifs au 1000. Il avait l'air d'être en jambes. C'est sûr que là, t'es rendu en quart de finale. Toutes les courses vont être difficiles, mais je pense qu'elle peut bien s'en sortir. C'est sûr que c'est ça. C'est la dernière chance. Puis faut qu'elle donne tout. Faut qu'elle ait aucun regret. Kim et Marianne vont être dans le même quart de finale jeudi. Donc ça sera pas une course facile. OK. Caroline, on s'en parle jeudi pour analyser tout ça. Parfait. Caroline Truchon qui nous parlait des Jeux olympiques ce matin, disqualification de l'équipe canadienne en relais courte piste.